Péché originel d'Israël. C'est ainsi que certains historiens israéliens, ceux qu'on a appelés les nouveaux historiens, ont nommé la question des réfugiés palestiniens. Cet exode massif qui a précédé puis suivi la création de l'État hébreu. Mais que s'est-il réellement passé? Les Palestiniens ont-ils choisi d'eux-mêmes de fuir leurs maisons et leurs terres afin de ne pas vivre dans un État juif? Ou bien ont-ils été sciemment chassés par les sionistes? Monsieur X, dans la première partie de cet entretien diffusé la semaine passée, rappelait une donnée essentielle. L'État juif, tel qu'il était prévu par l'ONU et son plan de partage de la Palestine, aurait compté 45% d'Arabes. Les sionistes pouvait-il s'accommoder d'un pays qui n'aurait été juif qu'à moitié? À l'évidence, non. Toute l'histoire du sionisme le montre. Et dans l'espoir de conquérir un jour une plus grande partie de la Palestine, Ben Gourion et les siens ont d'abord fait en sorte de torpiller le plan de l'ONU en tentant d'imposer leur propre plan de partage, un partage territorial avec le roi Abdallah de Jordanie, conclu au terme d'un accord secret. L'objectif essentiel étant d'empêcher la création d'un État arabe en Palestine. Mais il restait la question des populations arabes présentes à l'intérieur des frontières du futur État juif. Un chiffre s'impose. En 1949, au terme des guerres israélo-arabes, 800 000 Palestiniens ont repris le chemin de l'exode. Pourquoi et dans quelles conditions? Cette douloureuse question est toujours au cœur du conflit entre Israël et les Palestiniens. C'est le sujet de ce nouvel entretien avec M. X. Le péché originel d'Israël est aussi, je le rappelle, le titre d'un ouvrage récent de Dominique Vidal paru aux éditions de l'Atelier. Un livre qui fait justement la synthèse des travaux des nouveaux historiens israéliens. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. D'abord, il ne faut jamais oublier l'ombre monstrueuse de la Shoah. Vous m'avez même dit qu'au fond, sans la Shoah, l'État d'Israël n'aurait pas existé. N'exagérons pas. Un État juif en Palestine aurait peut-être existé quand même un jour ou l'autre. Mais ce crime terrible a eu au moins deux conséquences immédiates. D'abord, il a précipité vers la Palestine des dizaines de milliers de rescapés de l'horreur, qui ne voulaient plus vivre en Europe et pour qui la seule assurance de ne plus connaître de persécution était de se rassembler au sein d'un État juif, un État bien à eux. Ouais, ça rejoignait directement le projet sioniste. Hein. Tout à fait, ça faisait déjà un demi-siècle que des juifs, en achetant des terres, en fondant des colonies, construisaient les bases d'un futur État. Ensuite, il y avait la mauvaise conscience occidentale. Tous ces gens et ces gouvernements qui n'avaient pas voulu voir ou qui avaient laissé faire ou qui découvraient tardivement le génocide des Juifs. Et qui voulaient donc en quelque sorte se racheter en favorisant la création d'Israël. Oui, mais sans se soucier le moins du monde du fait qu'il existait des Palestiniens en Palestine. On s'en apercevra tard, très tard. Trop tard. Certainement. Parce qu'aujourd'hui, la situation est sans issue pour tous ces réfugiés arabes qui ont quitté leur pays dans les années 40. Il est évident que les Israéliens ne pourront jamais accepter qu'ils reviennent. Et puis de l'autre côté, il semble très difficile, sinon impossible, que les dirigeants palestiniens renoncent à cette revendication du retour. Ouais, situation bloquée, donc. Je le crains, oui. Enfin, revenons un demi-siècle plus tôt. Dès l'annonce du plan de partage de l'ONU, à la fin du mois de novembre 1947, des heurts éclatent entre les Juifs et les Arabes. Des heurts encore limités, puisque, je vous l'ai dit, beaucoup de villages palestiniens préfèrent passer des accords de non-agression avec leurs voisins des colonies juives. Mais comment expliquer cette relative passivité des Arabes, alors? Il y a plusieurs explications. D'une part, je le répète, Beaucoup de Palestiniens ne croient pas qu'il existera un jour un État juif sur leur terre. Ça, ça leur semble inconcevable. Malgré l'évidence. Oui, enfin, d'autre part, les Palestiniens ne sont pas vraiment en état de pouvoir résister les armes à la main. Les milices, car il en existe, sont faiblement armées et peu nombreuses. Il en ira autrement lorsque, un peu plus tard, ces milices seront renforcées par des volontaires issus des pays arabes. Et du côté des juifs, des sionistes, j'imagine que la Haganah, l'Irgun et le groupe Stern ne restent pas inactifs. Hein. Vous avez tout à fait raison, oui. Et on assiste à plusieurs actions très violentes. Très violentes, c'est-à-dire ? Eh bien, des villages arabes sont attaqués, des habitants sont tués et les autres chassés. À Haïfa, par exemple, les choses se passent très très mal, très brutalement. Et la moitié de la population arabe, traumatisée par cette violence, fuit la ville. Ailleurs, à Césarée, par exemple, où tout au long de la plaine côtière, des Arabes sont expulsés de leur maison par la force. Oui, mais enfin, est-ce que cette violence est réciproque ? Parallèlement, bien sûr, des communautés juives sont pillées et des colons sont massacrés. D'autres colonies sont isolées par les milices arabes. Mais du côté sioniste, il n'y a pas encore de plan d'ensemble, non ? Non. Ben-Gourion, très prudemment, s'en tient à une position globalement défensive. Il veut montrer à l'opinion internationale que dans les villages qui sont pris par les sionistes, les fellahs ne sont pas expulsés, sont même encouragés à rester, même si c'est loin d'être la vérité. Et pourquoi, comment vous expliquez cette attitude apparemment conciliante de Ben-Gourion ? Parce que l'État juif n'existe pas encore, et que les sionistes doivent en quelque sorte montrer patte blanche. Ce qu'ils craignent, c'est qu'une recrudescence de la violence ne pousse les Nations Unies à imposer une sorte de tutelle internationale sur la Palestine. Ouais, ce qui retarderait la création d'Israël. Oui. Mmh. Toutefois, dans cette première période qui va jusqu'au mois de mars 48, je crois, des milliers de Palestiniens quittent quand même la région. Pour quelle raison, alors ? Bon, en général, ce sont des gens aisés. Des bourgeois ? Oui, si on veut. Enfin, ces notables plus cultivés, mieux informés, eux ont compris que le mouvement qui pousse à la création d'un État juif est irréversible. Ils en prennent donc leur parti et préfèrent quitter le pays avant qu'il ne soit trop tard. Et dans des conditions relativement acceptables. Évidemment. Enfin. Et ils sont combien, ceux-là ? Bien, on estime qu'au cours de cette première période, 70 000 Palestiniens prennent le chemin de l'exil. Et ces élites abandonnent donc les plus modestes. Exactement. Enfin, le pire est à venir. Vers la mi-mars, la guerre civile va prendre un tour beaucoup plus sanglant. Et qu'est-ce qui explique cette accélération, alors ? Ben, la fin du mandat britannique qui approche. Ouais. Et donc, pour les sionistes, la proclamation de l'État d'Israël. Oui, c'est prévu pour la mi-mai. Et par conséquent, c'est une sorte de course contre la montre qui s'engage. Les Juifs doivent passer à l'offensive, grignoter le maximum de territoire possible et dissuader les Arabes de demeurer dans les villages qu'ils vont occuper. Ils veulent, judaïser ces villages conquis. Oui, c'est ça. Mais avant de voir ça dans le détail, il faut, pour être tout à fait honnête, dire qu'on assiste à la fin mars à une véritable flambée de violence. De part et d'autre ? Oui, la situation se dégrade très rapidement entre les deux communautés. Le Palmach, la brigade de choc de la Haganah. Oui, c'est une brigade d'extrême gauche, mais je vous dis. Exactement. Hein. Donc, le Palmach s'empare d'un village près de Haïfa. Des femmes, des enfants sont tués. Quand on groupe Stern, dont le bras armé s'appelle le Lehi, il multiplie les assassinats de civils palestiniens. Mais les Arabes ne sont pas en reste. Hein. Des blessés juifs sont décapités à l'hôpital de Jaffa et l'explosion de plusieurs camions piégés provoque un véritable massacre dans une rue juive de Jérusalem. Oui, mais à Jérusalem, justement, que se passe-t-il ? La ville est isolée par la légion arabe du roi Abdallah et la route de Tel Aviv est coupée. Mais malgré les accords secrets qui ont été passés avec les sionistes. Je vous l'ai dit que la pierre d'achoppement de cet accord, c'était Jérusalem. Jérusalem qui est encerclée donc par la légion. C'est un véritable siège que doit subir le quartier juif de la vieille ville. Et malgré une résistance courageuse et acharnée, il finira par se rendre à la fin du mois de mai 48. Mais, résumons, Jérusalem et la route de Tel Aviv seront les seuls endroits où les sionistes vont affronter la fameuse légion arabe. Oui, car les troupes d'élite du roi de Jordanie n'interviendront pas ailleurs. Bref, enfin, grosso modo, le roi Abdallah respecte l'accord passé avec les sionistes. C'est pourquoi, non sans raison d'ailleurs, les autres pays arabes et les Palestiniens, bien sûr, pourront l'accuser de trahison. Alors venons-en à cette offensive déclenchée par les Juifs. Il s'agit du plan d'Alet, un plan de grande envergure dont l'objectif principal consiste officiellement à supprimer à l'intérieur des frontières du futur État juif tous les foyers d'hostilité. Et les foyers d'hostilité, qu'est-ce que c'est ? La présence de miliciens arabes armés, par exemple. Ouais. Un objectif qui me paraît raisonnable. Sans doute, enfin, il va souvent être dévoyé. Et qu'est-ce que vous voulez dire, là ? Il suffit de prétendre qu'un village arabe a oui des irréguliers pour s'en emparer et en profiter pour chasser les habitants. Ouais, un prétexte. Ça me paraît clair. Et quand cet argument n'est pas recevable, on peut aussi arguer de la position stratégique de tel ou tel village pour le conquérir. Le conquérir et donc expulser les Arabes ? Bien sûr. Mais est-ce que ça signifie qu'il existait un plan global d'expulsion des Arabes ? écoutez, on verra ça plus tard, si vous le voulez bien. Il n'empêche que d'ores et déjà, vous portez, à mon avis, des accusations extrêmement graves. Attendez, dans cette affaire très douloureuse, le moralisme me semble peut-être superflu. Pour les Juifs, le but, c'est de construire un État sûr, un État viable, un État dont l'existence est en outre souhaitée, encouragée par l'opinion internationale et les grandes puissances. Alors, à la guerre comme à la guerre. Ouais, mais c'est comme ça qu'on justifie les pires exactions. Oui, vous avez raison, mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Les sionistes, eux, étaient déterminés. Et ils étaient prêts à tout pour réaliser leurs rêves. Devant une telle force, les intérêts des populations palestiniennes pesaient bien peu. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le péché originel d'Israël est, je le rappelle, le titre d'un ouvrage de Dominique Vidal paru aux éditions de l'Atelier. J'y trouve d'abord cette citation à propos de l'exode des Arabes de Palestine. Le gouvernement d'Israël doit dénier toute responsabilité dans la création de ce problème. L'accusation selon laquelle ces Arabes ont été chassés de force par les autorités israéliennes est totalement fausse. Au contraire, tout a été fait pour prévenir cet exode. Voilà ce qu'explique, dès juillet 1948, un responsable éminent du ministère israélien des Affaires étrangères en réponse à son homologue américain. Telle sera, et telle reste en principe, l'histoire officielle de l'exode de quelques 800 000 Arabes palestiniens entre le plan de partage du 29 novembre 1947 et le dernier armistice israélo-arabe, en l'occurrence avec la Syrie, le 20 juillet 1949. C'est pourtant une toute autre version qui émerge des archives israéliennes telles que les ont examinées depuis 20 ans un certain nombre d'historiens. Autre déclaration. Je la trouve dans le même livre. En 1961, Ben-Gourion, le père de la création d'Israël, se trouve à la tribune de la Knesset et il dit ceci. Le départ des Arabes d'Israël a commencé immédiatement après la résolution de partage des Nations Unies et nous avons des documents explicites témoignant qu'ils ont quitté la Palestine en suivant les instructions de dirigeants arabes, le Moufti en tête, et sur la base de l'hypothèse que l'invasion des armées arabes détruirait l'État juif et pousserait tous les juifs à la mer. Pourtant, selon ces nouveaux historiens, aucun document ne corrobore cette thèse. Avant de voir plus précisément comment les Arabes ont quitté le territoire du futur État juif, voyons les forces en présence. Est-ce que les Palestiniens étaient en mesure d'opposer une résistance ? Non, absolument pas. Et d'abord parce qu'il n'existait pas chez eux, à l'inverse de ce qui se passait dans le camp sioniste, une réelle volonté de se battre. Il y avait quand même des combattants palestiniens. Oui, mais enfin, un très petit nombre, mal organisés, dispersés, mal armés, et surtout divisés. Divisés, pourquoi divisés ? Parce qu'il y avait des clans opposés entre eux, et les Palestiniens, pourtant hostiles au projet sioniste, n'étaient pas tous prêts à se ranger derrière le Haut Comité arabe et le Mufti. Ouais. Moufti, c'est Housseini. Hein. Il ne faut pas oublier que le grand Moufti, qui voulait en découdre avec les Juifs et les chassés de Palestine, avait été l'allié de Hitler pendant la guerre. Ouais, bref, il n'était pas très fréquentable. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, chez les sionistes alors ? Oh, c'était bien autre chose. Les forces armées juives étaient bien organisées et regroupaient des dizaines de milliers de combattants entraînés. En outre, c'est très important, beaucoup de ces hommes avaient l'expérience de la guerre. Ouais, parce qu'ils avaient combattu aux côtés des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Ouais. Enfin, il y avait tout de même des divisions aussi chez les sionistes, l'Irgun, Ster... C'est vrai. Mais enfin, sur le terrain, ces rivalités disparaissaient souvent parce que toutes ces organisations et la Haganah travailliste poursuivaient le même objectif. J'irais même plus loin. Même si ces forces armées affichaient leurs divisions en maintes occasions, on constatera qu'il existait une véritable connivence entre elles. Connivence ? Bien entendu. L'Haganah et Ben-Gourion ont laissé bien souvent les autres, les extrémistes, faire le sale boulot, quitte à les accuser ensuite, mais enfin nous allons y revenir, si vous voulez bien. Mais l'armement ? La supériorité des Juifs était évidente dans ce domaine, et elle va considérablement s'accroître à partir du mois de mars 48. Pourquoi ? Grâce à Staline. Staline ? Oui, nous l'avons déjà évoqué. Moscou, après avoir préconisé la création d'un État unique judéo-arabe, s'était rallié au plan de partage de l'ONU. Staline était donc favorable à la création de l'État d'Israël. Et il a décidé de venir en aide aux sionistes en leur faisant parvenir des armes, avant même que les Britanniques ne quittent la Palestine. Et comment, là ? Via la Tchécoslovaquie, qui est alors tombée dans le giron soviétique, et dans le plus grand secret, naturellement. À cause des Britanniques. Les Britanniques qui imposent le blocus, oui. Alors des avions, des bateaux violent ce blocus et approvisionnent les forces sionistes en armes de toutes sortes. Et cette aide-là, cette aide de Staline est gratuite hein? Bien sûr que non. Enfin, l'essentiel, c'est que ces armes arrivent en Palestine. Car les sionistes ne manquent pas d'argent. Ils ont récolté des dizaines de millions de dollars collectés auprès des communautés juives du monde entier. Ils peuvent donc payer. J'ajoute que d'autres armes, des blindés en particulier, seront achetées en France. Toujours clandestinement? Plus ou moins, oui. Je vous ai déjà dit que chez nous, le personnel politique était généralement très favorable aux sionistes. Alors, après cette longue parenthèse, hein, revenons au plan Dalet. Au nord et au sud, sur la côte, les troupes sionistes foncent et conquièrent village après village. Mais il faut d'abord parler d'un événement dramatique qui va avoir un immense impact. Ouais, j'imagine que vous voulez parler de Deir Yassin, hein, oui, c'est ça. Ouais. Un village arabe où on va assister aux pires horreurs. Deir Yassin se trouve tout près de Jérusalem. Or, l'un des objectifs du plan Dalet, c'est d'obtenir la réouverture de la route entre Jérusalem et Tel Aviv et briser le siège de Jérusalem. Pour cela, l'état-major sioniste estime qu'il faut d'abord s'emparer de tous les villages qui dominent cette route. S'emparer de ces villages, ça veut dire quoi exactement ? Oh, les ordres sont clairs, il faut les détruire. Afin qu'ils ne puissent être repris ? Bah, évidemment, il s'agit de protéger la route. Et les habitants, alors, sont donc forcément chassés ? Malheureusement, oui. Et le cas, alors, propre de Deir Yassin, est-ce un de ces villages stratégiques ? Non, Deir Yassin se trouve à l'écart au bout d'un chemin de terre sans issue. Sans intérêt donc pour l'opération qui doit aboutir à desserrer le siège de Jérusalem. C'est exact. Mais dès le début du mois d'avril, des combats très intenses ont lieu dans toute la région et en particulier à Castel sur la route de Tel Aviv, donc pas très loin un vol d'oiseau de Deir Yassin. Et dans ce village-là, de Deir Yassin, comment réagit-on alors ? Deir Yassin est l'un de ces villages paisibles où on a justement passé un pacte de non-agression avec l'implantation juive la plus proche, Givat Shaul. Mais est-ce qu'on s'y sent menacé dans ce village arabe ? Bah oui, comme tous les habitants de la plupart des villages arabes, ceux de Deir Yassin vivent dans la crainte depuis la proclamation du plan de partage de la Palestine. Aussi, ils ont procédé à des travaux d'autodéfense, creusé une tranchée sur l'unique route qui mène au village et acheté quelques fusils. Ouais, au cas où ? Oui, d'autant que depuis les toits des maisons de Deir Yassin, on pouvait très bien voir les combats très violents engagés à Castel. C'est d'ailleurs là, très peu de temps avant la tragédie de Deir Yassin, que va être tué un des chefs mythiques de la résistance palestinienne, Abdelkader Husseini, le propre neveu du grand moufti. Ça aura une conséquence très grave pour Deir Yassin. Quoi ? Eh bien, les combattants arabes, tout à leur deuil, ne trouveront pas le temps de venir au secours du village. Enfin, mais encore une fois, il n'y avait pas de raison sérieuse de s'attaquer à ce village à l'écart. Non, sauf si on considère que les hommes qui vont attaquer le village voulaient faire un exemple et déclencher un processus de grande ampleur qui irait bien au-delà de cette tragédie. Mais n'allons pas trop vite. Ouais, ça, je m'y attendais. Alors, ces hommes qui vont attaquer, qui sont-ils ? Des combattants de l'Irgun et de Stern. Des sionistes extrémistes, donc. Oui, des révisionnistes, comme on dit, alors. Des gens qui n'avaient qu'une idée, débarrasser la terre de Palestine de tous les Arabes qui s'y trouvaient. Et par tous les moyens, y compris les plus violents. Bon, c'est l'état d'esprit de certains colons juifs d'aujourd'hui, hein. Je pense à ceux d'Hébron. Oui, alors que se passe-t-il exactement ? Début avril, la bataille de Jérusalem est engagée. Il s'agit non seulement de dégager la route qui mène à la ville, mais aussi de libérer toute la ville. Et encore une fois, c'était en parfaite contradiction avec le plan de partage qui prévoyait une internationalisation de la ville sainte. Un plan que Ben-Gourion avait fin d'approuver. Et qui n'était nullement décidé à respecter. Le type qui commande les forces juives à Jérusalem est un dur. Un ancien de la Légion étrangère française, un certain David Chaltiel. Alors que la bataille est lancée, les chefs locaux de l'Irgun et du Stern viennent le trouver. Enfin, c'est en tout cas la version quasi-officielle. Parce qu'il y aura plusieurs versions ? Naturellement. Ce que veulent les types de l'Irgun et du Stern, c'est s'emparer du village de Deir Yassin. Mais ils tiennent à obtenir l'approbation de Chaltiel. Pourtant, ces groupes étaient encore indépendants. Enfin, je veux dire qu'ils ne dépendaient pas de la Haganah. Oui, mais enfin, dans les faits, ces extrémistes, qui étaient moins bien armés, et surtout beaucoup moins nombreux, avaient souvent recours aux services de leurs rivaux de la Haganah. Et puis, obtenir le feu vert de Chaltiel, c'était très important. Pourquoi ? Parce que ça mouillait, enfin, pardonnez-moi l'expression, la Haganah. Donc, l'agence juive et Ben-Gourion lui-même. Ouais. Et Chaltiel, donne donc son approbation ? Pas tout de suite. Il fait remarquer que Deir Yassine est un village paisible et qu'il ne présente aucun danger immédiat pour l'opération en cours. Bien sûr, plus tard, il sera occupé, mais enfin, pour l'instant, la Haganah a d'autres chats à fouetter. Toutefois, les autres insistent. Et Shealtiel finit par accepter. Mais est-ce qu'il sait ce qui va se passer ? Bon, il peut quand même pas tout à fait l'ignorer. La réputation de violence extrême de l'Irgun et du groupe Stern n'est plus à faire. Par conséquent, d'une certaine façon, il est complice. On peut en effet se poser la question. Enfin, je vous l'ai dit, il était tentant de laisser faire le sale boulot à ces gens-là. Toutefois, Shealtiel, à son niveau, ne pouvait sans doute pas prévoir quels étaient les véritables desseins de l'Irgun et du Stern. Même si certains plus hauts pensaient, peut-être, déjà à l'exploitation politique de cette tragédie. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Walid Khalili est un historien palestinien. Dans un numéro de la revue d'études palestiniennes paru à l'automne 1998, il revient longuement sur l'affaire de Deir Yassine. J'en extrais ce passage. L'historien cite d'abord l'un de ses confrères, Perl Mutter, auteur d'une biographie de Menachem Begin. Begin, qui était, je le rappelle, le chef de l'Irgun. Pour comprendre ce qui s'est passé à Deir Yassine, il est indispensable de connaître la psychologie de l'homme et sa vision des Arabes, telle qu'inspirée par son guide, Vladimir Jabotinsky, le père du révisionnisme. Le révisionnisme dénie de façon catégorique toute prétention des Arabes de Palestine à un quelconque droit politique ou territorial sur la terre d'Israël. Jabotinsky était soucieux de ne pas tomber dans un quelconque romantisme oriental, lui qui affirmait « L'Orient est mon étranger et nous les Juifs, Dieu soit loué, n'avons aucun lien avec l'Orient et il est indispensable de balayer l'âme islamique de la terre d'Israël. » Perlmutter poursuit en affirmant que, bien qu'issu du révisionnisme, l'Irgun et le Stern étaient encore plus radicaux que Jabotinsky, dans la mesure où ils affirmaient que les Arabes sont des assassins et des bêtes sauvages du désert et non un peuple détenteur de la légitimité des peuples. Plus loin, Khalidi évoque la préparation de l'attaque de Deir Yassine. La discussion porta sur les détails de l'offensive et l'on aborda la question du sort des prisonniers, ainsi que des femmes, des vieillards et des enfants. Dans un document manuscrit de Ben Zion Cohen, déposé à l'Institut Jabotinsky à Tel Aviv, le chef des opérations de l'Irgun rapporte. Les avis étaient divergents, mais une majorité préconisait la liquidation de tous les hommes et de quiconque se trouverait à leur proximité, fût-il un vieillard, une femme ou un enfant. Et l'historien cite un autre témoignage, celui de l'adjoint de Cohen, Yayaouda Lapidot. La proposition de liquider les habitants de Deir Yassine émanait du groupe Stern, qui affirmait vouloir montrer aux Arabes ce qui les attend lorsque l'Irgun et le Stern participent à une opération conjointe et créent une tempête qui balaya le pays tout entier et marquait un tournant dans les combats se déroulant entre nous et les Arabes. En un mot, il s'agissait de briser le moral des Arabes. L'attaque de Deir Yassine a commencé dans la nuit du 8 au 9 avril 1948. Combien d'hommes y ont participé ? À peu près 200. Deux tiers étaient des combattants de l'Irgun. C'est-à-dire que les autres appartenaient au groupe Stern ? C'est ça. Et ça commence très mal pour les assaillants. Pourquoi ? Je vous ai dit que les habitants de Deir Yassine craignaient d'être attaqués. Donc ils avaient organisé un système de guet. Et l'effet de surprise n'a pas joué. Et malgré le faible armement dont ils disposaient, les hommes du village ont opposé une résistance farouche. Ils ont même réussi à mettre hors de combat plusieurs attaquants. La situation de ces derniers est devenue si périlleuse qu'ils ont dû réclamer des renforts. Mais auprès de qui alors ? Shealtiel. Shealtiel, et il a accepté ? Encore une fois, oui. Ça démontre à nouveau qu'il était complice. Ou qu'on voulait à tout prix démontrer sa complicité. Enfin, en tout cas, les gens de l'Irgun et du Stern n'ont obtenu que des blindés de Palmach viennent les soutenir. Et l'intervention de cette brigade de choc a en effet permis un complet retournement de situation. Mais il faut le rappeler, encore une fois, le Palmach, il faut le rappeler, c'était les brigades de choc et des combattants d'extrême-gauche. Pour la plupart, oui. Ouais. Alors ce sont eux qui vont venir au secours de ces extrémistes de droite. Solidarité juive. Enfin, il faut noter que le Palmach n'est pas demeuré dans le village. Aussitôt après être intervenu, les blindés sont repartis. Ouais. Donc le Palmach, lui, n'a pas participé aux exactions qui vont suivre. Exactement. Hein. Enfin, il n'empêche que c'est grâce à cette force d'élite que Stern et l'Irgun ont pu perpétrer les massacres qui ont suivi. Des massacres, alors. Ouais. Terrible. L'horreur. Des maisons ont été systématiquement dynamitées ou grenadées, alors même que les habitants se trouvaient à l'intérieur. Des femmes, des enfants, des vieillards ont été tués gratuitement. Quant aux prisonniers, je vous laisse imaginer leur sort. J'ajoute que les assaillants ont aussi raflé tout ce qu'ils pouvaient rafler, or, bijoux, etc. Un véritable sac. Oui, ouais. Oui. Et combien de morts? Pas très vite, on parle de 250 morts. Qui parle de... Bah, les porte-paroles de l'Irgun et du Stern. Le soir même, ils donnent une conférence de presse car ils revendiquent haut et fort leur fait d'armes. Malgré les massacres dont ils portent la responsabilité. Exactement, mais ce n'est pas innocent. Ils veulent terroriser les Arabes des autres villages palestiniens. Pourquoi? Pour les inciter à fuir? Bah, c'est évident. Si vous ne partez pas, voyez ce qui va vous arriver. Tenez, pour accentuer encore cet effet de panique, ils ont même été jusqu'à exagérer le nombre des morts. Car on le sait aujourd'hui, le massacre de Deir Yassin a fait à peu près une centaine de morts. Et pas les 250 revendiqués par l'Irgun et le Stern. Oui, enfin ces organisations extrémistes en fait sont tombées dans un véritable piège. Un piège qu'on leur avait sciemment tendu. Et que le chef de l'agence juive, Ben Gourion, va exploiter avec une grande habileté. Ah ben, ça mérite une explication, ça. Écoutez, je suis persuadé qu'on s'est servi de ces massacreurs. Notez bien que tout de suite après cette tragédie, l'agence juive dénonce publiquement et très sévèrement les exactions commises par l'Irgun et le Stern. Ben Gourion se démarque. Oui, ça lui permettra plus tard de se débarrasser de ses rivaux encombrants. L'Irgun et le groupe Stern vont être obligés de se fondre dans la Haganah dès la fin du mois de mai 48. D'ailleurs, à peine 2 mois après Deir Yassin. Oui, le parti que va fonder Begin, le Herut, l'ancêtre du Likoud, sera écarté du pouvoir jusqu'en 1967. Enfin, c'est pas tout. Les sionistes, après Deir Yassin, vont pouvoir justifier l'exode des populations arabes. Si les Arabes s'en vont, c'est qu'ils ont peur. Nous, nous n'y sommes pour rien. Et d'ailleurs, leurs propres dirigeants les ont appelés à fuir la Palestine à la suite du massacre de Deir Yassin. Cet appel à la fuite, là, de la part des dirigeants arabes, a une réalité historique? Pas du tout. Il n'existe aucune trace d'un pareil appel. Au contraire, on a retrouvé des appels des radios arabes ordonnant aux Palestiniens de ne pas quitter leur maison. Alors, vous pensez donc que dans cette affaire, l'Irgun, par exemple, aurait pu être manipulé? Bon, ça ne me paraît pas impossible. Enfin, j'ajoute que le caractère spectaculaire de l'affaire de Deir Yassin, dont on a parlé dans le monde entier, a permis d'occulter d'autres exactions commises par les forces sionistes dans d'autres villages arabes. Ouais. Et ces actions avaient aussi pour but de pousser les Arabes sur le chemin de l'exil? Bien entendu. D'accord. Et à votre avis, est-ce que cette politique d'expulsion était planifiée? C'est certain. Il fallait que le futur État d'Israël compte le moins d'Arabes possible. Ouais, mais vous en avez la preuve? Non. Non, Ben Gourion et les autres dirigeants de l'agence juive se sont bien gardés de donner des ordres écrits. Et s'il existe malgré tout des documents, ils se trouvent dans les archives. Enfin, des archives qui demeurent toujours interdites aux chercheurs. Ah ben, d'accord, mais alors, qu'est-ce qui vous permet de porter une telle accusation? La simultanéité des faits. Partout, que ce soit en Galilée ou dans le Negev ou encore dans la zone côtière, on constate la même chose. Dès que les forces sionistes s'emparent d'un village ou d'une ville, les habitants arabes fuient. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont chassé, hein. Si on s'arrange pour leur faire comprendre qu'ils doivent quitter leur maison. Et c'est un euphémisme, enfin. Ça signifie donc que les chefs militaires de la Haganah avaient reçu des ordres, les mêmes ordres. Mais c'est pas une preuve, car... Enfin, ces ordres, enfin, je l'imagine en tout cas, s'ils ont bien existé, devaient être oraux. Évidemment. Retenez, puisque vous voulez absolument une preuve, je peux vous dire ceci. Je n'ai rien inventé, puisque c'est le biographe de Ben Gourion, Bar Zohar, qui cite cette anecdote. Or, Bar Zohar est un homme qu'on ne peut pas accuser d'être un ennemi d'Israël, bien au contraire. Effectivement, je crois même que Bar Zohar était très très proche des services secrets israéliens. C'est exact. Donc voici ce qu'il raconte. La scène se passe à Nazareth. Nazareth qui vient d'être conquise par Tzahal. Ben Gourion arrive. Et voyant qu'il reste des Arabes dans la ville, il entre dans une violente colère et demande à l'officier supérieur qui a conquis la ville « Que font-ils là ?» C'est clair, non? D'accord, enfin, ce n'est qu'une anecdote. Et quand même une anecdote très significative. Enfin, c'est mon avis. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que de nombreux soldats et même des officiers n'ont pas appliqué cette politique d'expulsion de gaieté de cœur. Parce que ça choquait leurs convictions humanistes, parce qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de penser aux souffrances que les Juifs venaient de connaître en Europe. Et certains, très courageusement, ont protesté ou refusé d'obéir. D'accord. Ça se comprend. Et après la création de l'État d'Israël, il y a une intervention des pays arabes. Hein. C'est alors une véritable guerre qui éclate. Mais les forces armées des pays arabes ne sont pas de taille. Elles sont d'ailleurs inférieures en nombre et Israël triomphera. Et pendant cette guerre-là, les expulsions ont continué ? Bien évidemment, enfin c'était la guerre. Et tous les Arabes pouvaient alors être considérés comme des ennemis objectifs. Ce qui n'excuse pas tout, bien sûr. Cette question des réfugiés hante donc toujours les relations entre les Israéliens et les Palestiniens. Et derrière se profile immédiatement celle des colonies, si terriblement actuelle. Or, voici ce que je lis dans Le Monde du 24 avril dernier, sous la signature de Sylvain Sipel. La guerre d'indépendance n'est pas terminée. Non. 1948 ne fut que le premier chapitre d'une histoire qui reste à écrire. Mais qu'a voulu signifier Ariel Sharon par cette phrase sibylline ? Le premier ministre israélien, dans l'étonnant entretien qu'il a accordé au quotidien israélien Haaretz, donne lui-même les clés pour comprendre. L'homme s'y dévoile avec une franchise confondante. Non, il n'y a pas de nouveau Sharon, je n'ai pas changé. Et de balayer l'idée d'être un De Gaulle israélien. Avec sincérité, candeur presque, il révèle son univers mental et politique. Sa vision divise les Palestiniens entre les bons, qui n'ont d'autre ambition que de ramener du pain à la maison et d'élever leurs enfants, et ceux qui auraient des aspirations plus politiques, forcément impliqués dans le terrorisme. Un univers profondément empreint de la nostalgie d'un homme de 73 ans pour la période héroïque du sionisme. Et Ariel Sharon de soupirer en regrettant que le sionisme n'enthousiasme plus l'opinion israélienne. Aujourd'hui, les gens ne s'excitent plus beaucoup à l'idée de gagner un hectare et encore un hectare, mot d'ordre populaire des années 1930-1940, mais moi, ça m'excite toujours. On croirait entendre du Ben Gourion dans le texte, pas le Ben Gourion socialiste, mais le nationaliste qui fit du chef de commando Ariel Sharon son chien fou préféré dans les années 1950. Je vous rappelle le titre du livre de Dominique Vidal, Le péché originel d'Israël, un ouvrage paru aux éditions de l'Atelier. Enfin, sur un sujet aussi polémique, je ne peux pas m'empêcher de citer quelques lignes du très beau livre d'Yvan Levaille, La République des mots, publié récemment chez Michel Lafon. Voici ce qu'écrit Levaille. Je suis un mauvais juif, je ne pratique pas, je vis confortablement en France et l'idée d'un retour en Israël ne m'a jamais effleuré. Néanmoins, je considérerais la disparition de l'État d'Israël comme une catastrophe. Catastrophe pour la paix universelle. Il y a de par le monde plusieurs millions d'individus qui ne sont pas à l'abri d'une résurgence de l'antisémitisme mortifère, odieux, épouvantable d'Hitler et de ses complices. Je vous retrouve samedi prochain avec M. X, bien entendu, et je vous rappelle que vous pouvez consultez tous les livres que j'ai cités sur franceinter.com et aussi vous pouvez réécouter cette émission sur Internet si vous le voulez bien.